Marianne Saint-Gelais a lancé sa biographie qui va arriver bientôt, j'imagine, en région. Il y a toujours un petit délai en région. On lui parle. Salut Marianne. Salut, salut. Marianne, évidemment, pourquoi avoir lancé ta biographie? Pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que j'avais envie de laisser une trace puis de faire une coupure avec la vie d'athlète puis la vie que la femme que je suis maintenant. OK. Tu sais, elle a pris beaucoup de place, l'athlète, dans les dernières années, dans les premiers 30 ans, là, soit 18 ans de ma vie. Fait que j'ai pas envie de l'effacer, j'ai pas envie de l'oublier, mais j'ai envie de me rappeler. Fait que c'est pour ça qu'on a écrit là-dessus, on en a sorti 30 leçons. Et puis pour vraiment après ça laisser place à la femme pour les prochaines années. OK. Mais fais-tu longtemps que t'avais pensé à ça? Comment c'est arrivé l'idée, là? Parce que, tu sais, il y en a. Moi, je parle à plusieurs personnes, puis je lui demande des fois, vas-tu lancer ta biographie? Puis je dis non, ça me tente pas. Toi, comment c'est arrivé? Puis comment c'est l'idée de lancer ça? Ben, j'avais un peu ce processus-là, dans le sens que ça me tentait pas nécessairement, parce que la forme de la biographie ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que de suivre une chronologie, de faire seulement l'éloge de ce que tu as fait, de dire voici ce que ça prend pour rester au niveau. Tu sais, moi, ça me rejoint zéro, cette formule-là, puis c'est non seulement ça me rejoint pas, mais ça ne montre pas qui je suis non plus. T'sais. Fait que ça me parlait pas nécessairement à la bio à ce moment-là. J'ai eu des démonstrations d'intérêt là du moment où j'ai pris ma retraite en 2018 là, je ne le cacherai pas, mais j'avais pas le recul nécessaire pour aller plonger puis parler en profondeur de certaines choses. Avec Rose-Aimée Autonne-Témorin, celle qui écrit la biographie, c'est important. Il y avait quelque chose qui était genre deux trois points qui étaient importants, puis dont le fait qu'il fallait que les gens puissent m'entendre en lisant. Il fallait vraiment que ça soit écrit au jeu, écrit comme moi je parle dans la vie, avec mon accent, mes expressions, puis tout mon non-filtre que j'ai dans la vie. Et l'autre chose, c'est que je voulais que le modèle soit complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé avec un modèle en 30 leçons pour mes 30 ans. OK. Est-ce que tu parles de ton début? Moi, je la connais, là, le début de ta carrière. C'était pas du tout ce que tu pensais. C'était à Saint-Félicien, au club de patinage de vitesse. Il manquait de monde, puis ta mère t'a inscrit au club, puis ça a commencé comme ça. Puis même au début, t'étais pas très discipliné. Tu faisais beaucoup, beaucoup de farce. Est-ce que tu parles de tout ça? Ben oui, j'en parle, mais on l'expose d'une manière différente. OK. C'est parce que tu l'as dit, ces choses-là, j'en ai parlé, c'est su, mais on a pu ajouter un goût puis une lumière différente. Soit, par exemple, en ne mettant pas nécessairement l'emphase sur ces choses-là, on les mentionne, mais l'emphase n'est pas mise sur ces choses-là. Ou on fait intervenir des personnages. C'est-à-dire que, par exemple, mes parents, mes soeurs, mon frère, des amis très proches de moi ont un témoignage dans la biographie. Ce qui fait que ça vient soit ajouter une perspective différente, ça vient confirmer des questions que je me posais, ou ça vient tout simplement raconter les histoires qu'on connaît tellement bien, c'est ça, d'une différente façon. OK. Bon, par la suite, j'imagine que tu parles de Montréal. Ça n'a pas été facile d'arriver à Montréal également. J'imagine que tu parles de ça aussi. Je parle beaucoup je mets l'accent sur le fait que je me suis déracinée. Je parle de ma région, j'en parle à plusieurs reprises dans le livre parce que c'est important pour moi, encore une fois, de mentionner mes racines de où je venais, puis je suis fière de mon Ben Saint-Vivien, oui. mais de mon lac Saint-Jean au complet. Fait que oui, sans parler nécessairement de m'adapter à Montréal qui a été difficile, on en parle un petit peu, mais c'est beaucoup le bien que ça me fait de retourner en région, OK. duquel on met vraiment plus l'accent. OK. Par la suite, ben, les Olympiques. Olympiques, exactement. Chaque Olympique a une leçon différente. Ouais. Puis encore là, comme je te disais, on ajoute une perspective différente du fait de raconter vraiment plus en profondeur ce qui se passait dans ma tête ou le faire raconter par un autre intervenant. Par exemple, pour Vancouver, c'est Sébastien Gros qui était mon entraîneur à l'époque qui raconte la situation. OK. Donc, est-ce que tu parles de tes moments difficiles aussi que tu as vécu? Parce que je sais que ça n'a pas été facile, t'sais, de t'entourer de tes coéquipiers, de ta retraite par la suite. Puis là, tu tombes tout seul. On en a parlé dans une entrevue avant. Un peu de la solitude. tout refaire ça, ça a été un processus qui a été difficile. J'imagine que tu en parles aussi, puis ça fait partie de. Ça fait partie beaucoup du livre. Ben oui, complètement. Pour dresser un portrait juste et adéquat de ma situation, puis des 30 premières années de ma vie, je me devais d'aller dans ces zones-là aussi. Autant, oui, on parle des difficultés que le sport m'a apportées, qui se transforment en leçons, puis en expériences de vie positive, mais c'est sûr que je vais parler aussi de choses plus personnelles. Tu sais, il y a un volet dans le livre qui est consacré à ma crise d'adolescence que j'ai vécue à 28 ans. Tu sais, ça, c'est des conséquences directes de la transition que j'ai vécue avec le sport. Fait que là, on apprend vraiment un côté qu'on n'a jamais vraiment vu ou connu de Marianne, tu sais, ce qui fait partie de moi, tu sais. Ça prouve vraiment, ça plonge vraiment les gens dans cette espèce de transition-là qui est un peu méconnue parce qu'on n'est pas nécessairement capable de mettre des mots puis de bien l'expliquer. Ben, Rosemée a été capable de bien expliquer ça puis de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie pour un athlète, pour une personne qui vit une transition. Qu'est-ce qui se passe chimiquement dans le cerveau? Fait que c'est hyper intéressant. Donc oui, on parle de la santé mentale qui est reliée à ça aussi et la crise d'adolescence que je traverse en 28 ans. Est-ce que. Puis ça peut être, ça a vraiment pas été. C'était quelque chose. Actuellement, Marianne, tu fais quoi, là? Est-ce que la télévision. Tu sais, je te l'ai dit souvent, je te voyais à la télévision beaucoup. Je pensais que c'était ta place. Est-ce que c'est ça actuellement que tu travailles encore? J'adore faire de la télé, j'adore les projets justement là, qui sont en lien avec la communication et les médias. Par contre, je peux pas seulement faire ça dans ma vie. C'est ce que je me suis rendu compte dans les dernières années où j'ai pu en faire un petit peu plus. Je me suis rendu compte que c'est ça, je pouvais pas seulement faire ça. J'ai besoin d'un à côté. Et c'est d'ailleurs là que le coaching prend une. C'est quand même important. Cette relation-là que j'ai avec les jeunes, que je peux développer avec eux, ben ça, là, c'est vraiment quelque chose qui me manquait, que je suis capable d'aller trouver là, avec eux. Est-ce que tu es en train actuellement, c'est sûr que la COVID, c'est en zone rouge, donc j'imagine que il se passe pas grand-chose, mais comment ça a venu le projet de devenir entraîneur? Est-ce que ça, c'était. Est-ce que tu as été approché par Patinage Canada ou. J'ai été approchée par Marc Gagnon. OK. Marc Gagnon qui voyait nécessairement des beaux trucs que je pouvais offrir aux jeunes. Moi, à la carrière d'entraîneur, je n'ai jamais vraiment cru, dans le sens que je trouvais que c'était tellement une façon facile pour les athlètes de se recycler. Je me disais, je peux m'épanouir dans autre chose que dans mon sport. Et je me suis trompée parce que vraiment, là, j'en tire vraiment, vraiment, vraiment profit d'être avec ces jeunes-là. Développer une complicité parce que ça va au-delà de moi qui essaye de le montrer à aller plus vite puis à lui donner des temps autour, là. C'est vraiment des jeunes humains. Ils ont entre 16 et 19 ans. Donc, on a un impact quand même majeur dans leur vie d'adolescent. Ouais, ça m'a vraiment, vraiment fait Et grandir cette relation-là. Puis, ce coaching-là que je fais, à temps plein, en fait. En communication, t'es très très bonne, là. Fait que ça doit aider aussi là, pour communiquer tes façons, là. Ben, je m'exprime bien, oui, mais c'est aussi l'expertise que j'ai vécue en tant qu'athlète qui m'aide aussi. T'sais, après ça, c'est d'utiliser les bons outils pour bien le dire les choses, là. Mais oui, c'est vraiment, vraiment particulier comme. Est-ce que tu vois les jeunes actuellement à Montréal? Il y en a-tu du Lac-Saint-Jean qui sont des beaux espoirs actuellement? Oui, ben oui, on en a des très bons espoirs. Moi, j'entraînais Victoria Garceau, qui maintenant qui était invitée sur l'équipe nationale. De où elle est, excuse-moi? Elle est de l'AB Chicoutimi. Elle est de OK. Saguenay, en fait. OK. Donc, j'en ai plein. Je travaille avec Émilien Blackburn, avec Justin Bergeron, je pense que Justin est natif d'Alma, et Émilien est natif de l'AB. Donc, écoute, oui, on a un bassin super incroyable, je veux dire, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on le savait, aussi encore. C'est hyper, hyper plaisant que maintenant, moi, je puisse le mesurer. On a Claudia Gagnon maintenant qui est sur l'équipe nationale. Donc, je veux dire, l'espoir puis le bassin est encore là. Maintenant, il faut juste entretenir ce potentiel-là que les jeunes ont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ok, ben c'est clair. Là. Mais du côté Saint-Félicien, il n'y en a pas actuellement. Roberval, Dolbeau, Mississini qui sont à Montréal et que tu vois actuellement? Non, mais ça s'en vient parce que, tu sais, moi, je regarde aussi qu'est-ce qui se passe en région avec le centre Marc-Gagnon. Ouais. On regarde beaucoup là, qu'est-ce que les prochains, c'est qui les prochains. Fait que nous, on peut regarder jusqu'à 13, 14, 15 ans. Puis j'ai envie de te dire que ça s'en vient, par exemple. On n'est pas exactement là, mais c'est correct parce que c'est tout ça, c'est correct. Encore dans les régions, ils sont encore très jeunes. OK. Marianne, je reviens sur un peu ta carrière, sur ta vie privée. On va en parler un peu. Je vois beaucoup Geneviève Tardif qui est du journal, qui était de TVA Sport, qui est maintenant la nouvelle conjointe de Charles Hamelin. Ils ont eu un enfant dernièrement, puis toi, personnellement, tu as été longtemps avec Charles, puis je sais que tu veux un enfant. Est-ce que ça te dérange de tout voir ça? Est-ce que ça me dérange? Je suis pas jalouse que Charles et Geneviève peuvent avoir en ce moment. Là où ça vient me chercher, c'est parce que ça me ramène à moi, à ce que j'ai pas, tu sais. Fait que moi, je suis pas mariée, moi, j'ai pas d'enfant, tu sais, j'ai une relation avec mon chum, mais tu sais, c'est plus là où des fois ça peut venir te chercher. Tu sais, je fais les gestes en conséquence aussi. Charles et moi, on n'est plus en contact. Ouais. On ne se suit plus sur les réseaux sociaux. On n'a pas gardé non plus de lien. Ce qui fait que, je veux dire, je suis pas confrontée non plus à ça à tous les jours. Puis, je veux dire, je peux très bien, je vis exactement la même chose en ce moment que ma meilleure amie est enceinte, avoir un bébé dans quelques semaines. Puis ça me fait le même choc que lorsque j'ai su quand Charles était à avoir un bébé. Je veux dire, c'est juste qu'à un moment donné, ça te heurte à toi, à tes propres, à tes démons à toi, que tu te dis, ah mon Dieu, c'est des choses que tu as vraiment réellement envie d'avoir, puis que tu n'as pas encore, mais que tu te dis, ben ça va finir par arriver, puis ça va être mon tour bientôt. Fait que c'est pas quelque chose que je projette. Chez quelqu'un, c'est vraiment, ça me ramène à moi, puis à mes plus profonds désirs qui ne sont pas encore réalisés. Donc. OK. Donc, Marianne, on rappelle le livre « La vie pas toujours olympique ». Donc, ça va être disponible en kiosque déjà. Est-ce que tu vas faire une tournée pour promouvoir ton livre? C'est sûr qu'il n'y a pas de salon du livre, il n'y a pas grand-chose. Fait que tu peux pas faire grand tournée, là. Mais est-ce que tu vas faire plusieurs apparitions de télé pour en parler? Ben oui, on a commencé cette tournée-là depuis lundi dernier. Donc oui, c'est ça. Il faut faire avec les moyens qu'on a avec la COVID. C'est sûr que c'est pas évident. Salon du livre, il y en a un virtuel. Peut-être que ça sera une option pour nous de justement le faire de cette façon-là. Fait qu'on utilise vraiment toutes les ressources qu'on veut, c'est-à-dire FaceTime, live, Instagram live, toutes ces choses-là pour qu'on puisse se mouvoir le plus possible. Les réseaux sociaux maintenant aident énormément, donc on a ça de notre côté. Mais c'est ça, avec les entrevues comme on fait, on espère aller chercher le plus de gens possible. C'est quand même difficile. Ben Marianne, félicitations, bravo, puis on se repart pour un autre tantôt. Ben merci, t'es bien fin. Marianne Saint-Jacques a lancé sa biographie, La vie pas toujours honnête.